Il est 18h et vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et nous allons dans cette deuxième demi-heure entrer plus en avant dans le domaine médical. Vous vous souvenez peut-être, le 31 janvier dernier, notre chroniqueuse Morgane Lemasson nous expliquait qu'au Canada, près d'une personne sur dix souffrait de troubles dépressifs majeurs, donc le diagnostic donné aux personnes souffrant de dépression, à une période donnée de sa vie. Et une des solutions proposées pour lutter contre cette maladie est l'électroconvulsivothérapie, communément appelée électrochoc. Et Morgane avait reçu à cette occasion-là Patrick Allaire pour nous parler de cette thérapie qu'il recevait depuis plusieurs années pour soigner sa dépression récurrente. Et une thérapie qu'il ne regrette pas du tout d'ailleurs. Aujourd'hui, Morgane nous fait un retour sur cette technique sous un angle plus technique et en compagnie du docteur Simon Patry, qui est psychiatre et spécialiste des électrochocs à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Bonjour Morgane, bonjour docteur Patry. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant que psychiatre, dans quel cas recommandez-vous cette thérapie par électrochoc qu'on appelle aussi ECT? Oui, l'électroconvulsivothérapie. Je suis content de vous entendre l'électroconvulsivothérapie parce qu'électrochoc aura toujours une notion un peu négative de choc électrique. Alors, on a l'impression toujours que les gens sont très bons. Alors, tout ça pour dire que les indications sont bien claires et bien identifiées de dépression majeure souvent réfractaire au traitement standard. C'est-à-dire au traitement, que ce soit par psychothérapie et ou médication. Et après plusieurs échecs médicamenteux, souvent, ben les patients sont aussi lassés d'essayer des médicaments, etc. Et on leur offre cette éventualité-là. Bien entendu, évidemment, dans des conditions quand même médicales et optimales, là, bien clairement identifiées. Est-ce qu'il y a des contre-indications d'âge? Absolument pas. Il n'y a aucune contre-indication à l'électroconvulsivothérapie. Au contraire, c'est probablement le traitement qui est probablement le plus, universel. En tout cas, en termes de population, bien entendu, on n'a pas beaucoup de données statistiques concernant l'électroconvulsivothérapie donnée, par exemple, chez les moins de 18 ans, chez les adolescents ou même chez les enfants. Bien que, donc, la population moyenne, vous savez, la dépression majeure, atteint plus les femmes et on a aussi une croissance de la dépression majeure aussi avec l'âge. Donc, ce qui explique aussi pourquoi, par exemple, plus de femmes auront de l'ECT et aussi de plus de personnes âgées, évidemment. Et à l'écoute de ma première émission, beaucoup d'éditeurs étaient étonnés de voir que cette thérapie était encore utilisée, oui. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, eux, ils voyaient plutôt un outil de torture qu'une thérapie. Oui. Alors, pour nous informer, est-ce que vous voulez bien nous raconter brièvement l'évolution de cette technique, de sa découverte à nos jours? Oui. Évidemment, autre temps, autre mœurs, que les gens... Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, etc., qui viennent. Tout de suite, ce qui sonne dans la tête des gens quand on parle d'électroconvulsivothérapie, c'est « Vol au-dessus d'un nid de coucou » avec Jack Nicholson. Là, oui. Alors, ce qui est absolument pas ça. Évidemment, autre temps, autre mœurs, vous comprendrez que quand on a découvert l'électroconvulsivothérapie dans les années... Elle a 75 ans, en fait, l'électroconvulsivothérapie, cette année. Alors, quand on a découvert ça, c'était justement pour aider les gens... Parce qu'on n'avait pas rien. Il ne faut pas oublier qu'avant la venue de la médication, donc à la fin des années 50, on n'avait absolument rien. Oui. On mettait les jeunes à des asiles, on les enchaînait, on les faisait des enveloppements à froid, on donnait des bains de glace dans le film Léolo, d'ailleurs, que vous voyez, il y a des bains de glace qu'on donnait. Il y a le coma à l'insuline, il y a toutes sortes de trucs un peu bizarres, mais bon, à l'époque, c'était pas si bizarre que ça. Alors, je dis toujours aussi, l'électrochoc a évolué au même titre que l'appendicectomie. Alors, vous savez que pour traiter une appendicite, autrefois, il fallait ouvrir l'abdomen de l'appendice xyphoïde jusqu'au nombril, et vous étiez 7 jours hospitalisé. Alors que maintenant, une appendicectomie, ça dure même pas une demi-journée, puis vous allez travailler le lendemain. L'électroconvulsivothérapie a cessé d'être utilisée. Puisque, bon, évidemment, en raison de la venue des médicaments, ce qui est une bonne chose, ceci dit, parce que je crois que ça a permis, justement, de traiter autrement. Maintenant, à savoir s'il faut la bannir complètement, absolument pas. Je ne crois pas. Bannir le CT serait de priver bien des gens qui souffrent Il y a beaucoup trop de gens encore, malheureusement, qui continuent de souffrir de dépression et qui refusent d'avoir des ECT justement sous prétexte de ces images-là qu'ils ont encore dans leur tête, alors que c'est vraiment pas ça. Oui, parce que en fait, les ECT consistent à envoyer une stimulation électrique dans le cerveau et provoquer une convulsion cérébrale. Oui. Quels sont les effets thérapeutiques de cette méthode et est-ce qu'on a des explications des mécanismes qui se produisent dans le cerveau pour avoir ces effets thérapeutiques-là? Alors, plusieurs explications en effet. Donc, l'ECT en soi, c'est d'envoyer une impulsion brève au niveau du cerveau afin de déclencher, vous le dites bien, une convulsion cérébrale. Donc, une activité, c'est une activité électrique au niveau du cerveau. Donc, qu'on ne voit pas nécessairement mécaniquement, j'entends. Oui. Donc, le patient est sous anesthésie générale, bien endormi, bien, bon, on prend tout le nécessaire pour le curariser, c'est-à-dire paralyser les muscles pour pas justement qu'il y ait cette, bon, vous savez, ces éclats-là. Convulsion musculaire ou mécanique qu'on appelle. Alors là, vous voyez donc à ce moment-là une convulsion cérébrale. Et l'explication qu'on donne, c'est au même titre que les médicaments peuvent justement augmenter les neurotransmetteurs ou favoriser la neurotransmission, l'électroconvulsivothérapie va servir à cela. Toutefois, il existe aussi d'autres théories, je vous dirais adjuvante à cette théorie de neurotransmission-là, qui est la théorie neuroendocrinienne, c'est-à-dire une espèce d'augmentation finalement qu'on provoque au niveau des hormones, qui aide justement à la régulation des humeurs, et aussi une théorie un peu plus complexe à expliquer ici, mais qui en fait essentiellement va rejoindre un peu ce que l'on retrouve notamment dans le traitement de l'épilepsie, c'est-à-dire augmenter le seuil convulsif afin justement de mieux protéger les personnes de crise d'épilepsie. Ah, alors au même titre, on sait la même chose finalement pour la dépression, on augmente finalement le seuil convulsif pour protéger l'individu finalement d'éventuelles rechutes de dépression. La grande différence entre les antidépresseurs et les ECT, c'est que les antidépresseurs, généralement, ont un effet qui survient 4 semaines, 3 à 4 semaines après la prise, voilà. Alors que là, les mécanismes conduisent à des effets beaucoup plus rapides. Beaucoup plus rapides, donc les mécanismes sont beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus grande que ce que vous voyez avec la pharmacologie. Je veux dire, si la pharmacologie avait réponse à tout, elle fonctionnerait dans tous les cas, ce qui n'est pas le cas. Alors, et au même titre, je défends pas plus le CT là-dessus, parce qu'il existe quand même des cas qui ne répondront jamais non plus à l'électroconvulsivothérapie. Malheureusement, la plupart de ceux-là étant des gens qui auront attendu des années et des années. Difficile. Alors, et la dépression en soi, elle est très délétère au niveau du cerveau, alors. Il existe plusieurs techniques, plusieurs protocoles. On peut changer les niveaux de stimulation. Tout à fait. On peut... Mais aussi la position, laquelle avez-vous choisi? Alors, nous, on choisit tout, en fait. C'est-à-dire qu'on a des positionnements d'électrodes, c'est-à-dire au niveau de l'hémisphère non dominant du cerveau. Donc, protégeant encore plus l'individu, le patient, des effets secondaires, notamment au niveau de la mémoire, parce que effectivement il y a des effets secondaires au niveau de la mémoire. On ne s'en cachera pas. Et toutefois, on peut minimiser ceux-ci, voire même faire de sorte qu'on en a le moins possible, notamment en utilisant des techniques, par exemple, unilatérales, des techniques bifrontales Donc, ou des techniques bitemporales, de seul côté. Des deux côtés, deux hémisphères, mais sur le front. Sur le front ou sur les tempes, évidemment, qui est la technique la plus, je vous dirais, qui engendre le plus d'effets secondaires. Mmh. Vous savez, ça, c'est comme un médicament aussi. Vous avez des doses de médicaments qui vont engendrer, en fonction de la dose, beaucoup plus d'effets secondaires. Alors, exactement la même chose ici. Mais la grande particularité ici, qui à l'Institut universitaire en santé mentale du Québec, c'est que vous évaluez le seuil de convulsion. Oui. À la base, et donc c'est pas un niveau de stimulation, une intensité de stimulation qui est commune à tout le monde, mais c'est vraiment adapté. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à cela qu'il y a moins d'effets secondaires? Je crois que oui, sincèrement oui. Je crois que justement parce que, excusez l'expression, parce qu'on joue avec certains paramètres, on travaille avec des différents paramètres, par exemple au niveau de la longueur d'onde. Les ondes données, par exemple, en stimulation unilatérale sont de 0,3 millisecondes, alors qu'une onde en bitemporale, par exemple, sera de 1 à 1,5 millisecondes. Ben, on s'entend que ça a plus d'effets secondaires. Donc, et le titre filtrage donc du seuil convulsif va permettre justement un peu d'individualiser le traitement, puisque ce ne sont pas tous les cerveaux qui sont pareils. Tout dépend aussi des médicaments que vous prenez, etc., de votre condition physique, de votre âge, etc. Est-ce que les effets secondaires sont réversibles? Les effets secondaires sont réversibles. La plupart du temps, ils entrent dans l'ordre. C'est une question de semaines, rarement plus de 6 mois. Je peux pas cacher, toutefois, qu'il existe certains cas où il y a des effets secondaires qui ont pu être permanents et profonds, mais quand même, ce ne sont qu'une minorité de gens. Et la plupart d'entre eux, je crois qu'on a eu un témoignage d'un patient en janvier qui, lui, a des techniques différentes et se plaint pas nécessairement d'effets secondaires soutenus, du moins. OK. Alors, ma dernière question, rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Oui. Quelles sont les améliorations, vous, à prévoir, et est-ce qu'il y a des recherches déjà encore? Oui, il y a des recherches qui se font. Moi, je fais partie d'un groupe canadien de recherche sur l'électroconvulsivothérapie. Ce qui est vraiment très urgent, c'est d'adopter une position un peu standardisée, uniforme à travers le Canada, du moins à travers le Québec. Et ça, je travaille beaucoup là-dessus, afin justement un peu de standardiser les procédures dans les différents milieux pour éviter justement qu'il y ait de trop de disparités, justement, en termes d'effets secondaires et en termes d'éducation. Ben, je vous remercie beaucoup, Simon Patry, pour toutes ces informations. Merci, j'espère que ça va aider à démystifier le traitement, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, c'était tout à fait éclairant. Donc, je rappelle que c'était Simon Patry qui est psychiatre, c'est ça? À l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. On fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on reste dans le domaine de la médecine, mais toujours avec Morgane. Et nous verrons comment la morphine peut paradoxalement augmenter la douleur au lieu de la soulager.